Les zones bleues sont facilement repérables par leur marquage bleu spécial et le symbole du disque de stationnement. Ici, le marquage bleu au sol indique que cet emplacement est réservé aux personnes handicapées, titulaires d'un macaron spécifique, qui mentionne, suivant le cas, GIG, Grand Invalide de Guerre, ou GIC, Grand Invalide Civil. Stationner à cet endroit, c'est faire preuve de la plus parfaite incorrection. Je prends la place d'un handicapé, est-ce que je voudrais prendre aussi son handicap ? Réponse B et D.